Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado, 9 de novembro, na Sala Montição, em Saint-Jean-Blanc. Uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Bien, bonjour à tous, il est 14h passé de 10 minutes bien sur Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Côté Association. Aujourd'hui, une émission particulière parce que je reçois un grand monsieur, grand par la taille mais grand aussi par les connaissances qu'il a et on va les découvrir ensemble pendant une heure. Je reçois monsieur Benoît Biard. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Ah, le micro n'est pas branché. Et là, est-ce que ça va mieux? Alors, je répète, je reçois Benoît Biard. Bonjour Benoît. Bonjour. Voilà, ça marche mieux. J'avais simplement oublié un petit truc. Comment tu vas? Bien, impeccable, merci. Donc, je disais, je reçois un grand monsieur parce que grand par la taille déjà, mais grand par le savoir que tu as sur la radio avec un grand R. Oui, tout à fait, ouais. Donc, on va en parler pendant une petite heure. Une petite heure, ouais. Et puis, on se retrouve juste après le générique. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et bien voilà, Côté Association, c'est parti, l'épisode numéro 43 avec Benoît Biard, aujourd'hui au micro. Donc Benoît, peut-être qu'avant de commencer l'émission, je vais te laisser la parole en quelques instants pour que tu te présentes un peu aux auditeurs. Alors je précise, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisé dans la radio, et puis ça fait un petit moment déjà qu'on se suit sur les réseaux, mais voilà, bon, on va se tutoyer pendant une petite heure, donc soyez pas surpris si vous nous écoutez sur Arc-en-Ciel. Donc la parole est à toi Benoît, si tu veux te présenter en quelques mots aux auditeurs et auditrices pour savoir en gros à qui ils ont affaire pendant une heure au micro. Voilà, je suis un pur Orléanais, je suis né à Orléans. Ouais. Ça peut aider pour mon site internet qu'on parlera plus tard. Tout à fait. 48 ans, voilà, ouais. Je travaille dans le commerce. Très et bien. Ma passion donc c'est la radio, pendant mes loisirs notamment. Enfin, je n'ai pas que ça comme loisir, non. Mais ça fait partie de... Alors, ouais, comme on est dans l'émission Côté Association, moi j'avais une question en rapport avec l'émission. Est-ce que tu as déjà eu l'expérience, toi, en tant que bénévole ou de dirigeant ou je ne sais quoi, dans une association? Du tout, non. Du tout, jamais? Jamais, non. Même par le sport ou... Même par le sport ou... Non, jamais. C'est quelque chose qui t'a jamais attiré, ça? Attiré, si, mais j'ai eu l'occasion de... Ouais, ça t'a pas... L'occasion, c'est pas présenté. L'occasion, c'est pas présenté. Après, il faut du temps. Et le temps, j'ai pas forcément entre le boulot, le sport, mes sites internet. Ouais. Les journées sont bien chargées déjà, quoi. C'est sûr. Donc, on va aborder ensemble ta passion pour la radio, hein, à travers, entre autres, ta collection d'autocollants, ouais. Qui est quand même assez conséquente, et puis ton site internet, la bande FM du Loiret. Ouais, tout à fait. Hein, on va en parler. Mais avant de commencer, peut-être, j'aimerais parler avec toi. D'où vient cette passion pour la radio? Parce que aujourd'hui, la radio, c'est un média qui revient un petit peu sur le goût du jour, sur l'actualité, je trouve, qui se modernise un petit peu. Ouais, tout à fait, ouais. Mais il y a quelques années, la radio, elle avait été un peu dépassée par la télévision, quoi. Ouais. À l'époque, ouais, non, c'était encore, c'était le début de la bande FM. Ouais. Je suis né à peu près, pour avoir vu l'élection de la bande FM, j'avais 10 ans en 80. D'accord, ouais. Donc, moi, mes vacances à l'époque, quand j'étais gamin, j'ai passé chez ma grand-mère, qui avait pas de télé. Donc. Qui avait juste un gros poste de radio avec le nom des stations. Paris, Moscou, Sauternes, Bruxelles, et ainsi de suite. Et ce poste m'a toujours fait rêver, quoi. Ouais. Surtout quand il était allumé, il y avait la lumière sur le cadran. En plus, ouais. Et donc, la curiosité d'aller chercher des voix lointaines ou proches, quoi. Ça m'a toujours attiré, quoi, à l'époque. C'est l'idée qu'on pouvait entendre des gens qui étaient à des milliers de kilomètres. Tout à fait, ouais. Tout à fait. En cherchant, en passant les grésillements ou le fading qu'il peut y avoir sur les ondes moyennes, notamment. Ouais. Ou les ondes courtes. Et voilà, c'est devenu une passion. Plus après la FM, mon frangin qui faisait des émissions de dédicace sur la première radio orlanaise, qui s'appelait Radio Mary Poppins. Ouais. L'ancêtre de Arc-en-Ciel, quelque part, on peut dire. D'accord, ouais. Voilà. Donc t'as baigné un peu dedans, quoi. J'ai un peu baigné dedans, quoi. Et aujourd'hui, quelle place tient les médias en général dans ta vie? Parce qu'il y a la radio, mais j'imagine que tu t'es aussi sur les réseaux sociaux, t'as peut-être une télévision. Voilà. Alors, quelle place ça tient aujourd'hui, tout ça, dans ta vie? Ah, la radio, ça reste quand même le média premier chez moi, quoi. Ouais. La télé, j'allume un peu le soir, mais je m'ennuie souvent devant, quoi. Les programmes sont plus forcément à la hauteur. Dimanche, je voulais la mettre dimanche après-midi. J'ai été en bout d'une demi-heure, je m'ennuyais, quoi. Ouais. Donc, chez moi, il y a toujours la radio en fond sonore, quoi. D'accord, ouais. Pratiquement. Bon, après, les réseaux sociaux, bien sûr, pour être un petit peu à la mode comme tout le monde, pour voir un peu ce qui s'y passe, pour se faire connaître aussi, faire connaître mon site internet. Ouais. Pour parler avec d'autres passionnés de radio comme toi, ou d'autres gens qui sont du bout de la France, de Belgique, de Lyon notamment, ou ça dépend, quoi. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, la radio, tu dirais que, alors tu l'écoutes en fond sonore, mais combien de temps tu dirais que tu l'écoutes vraiment scrupuleusement, sérieusement, ou vraiment tu écoutes l'émission, ou tu écoutes ce qui se passe à la radio? Le matin, c'est plus une écoute attentive le matin. Ouais. Des émissions parlées ou les infos le matin quand on se lève, savoir le temps qu'il va faire dehors, les nouvelles de la nuit, tout ça. Que l'après-midi et le soir, c'est plus fond musical, quoi. Ouais. Voilà, en fin de journée, pour se détendre, pour changer les idées, pour c'est aussi une radio d'accompagnement, quoi, quelque ouais. part. Et est-ce que ça t'arrive, alors, je sais pas si t'es insomniaque ou la nuit, parce que la nuit, sur certaines radios, t'as des très bonnes émissions, ou des fois t'as des rediffusions d'émissions de journée, mais est-ce que la nuit, ça t'arrive d'écouter la radio? Je l'ai fait à une époque, mais maintenant, la nuit, je préfère dormir, quoi, pour être en forme le lendemain au boulot, quoi, quand je lève tôt. Mais je l'ai fait à une époque. Je m'endormais avec la radio, dès que j'étais réveillé à 3h du matin, que ça, j'avais la radio avec moi, ouais, je l'ai fait, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont endormis petit, peut-être avec la radio ou avec la musique. Ouais. Oh, c'est bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu verrais comme avantage à la radio par rapport à d'autres médias, hein, comme la presse ou la télé? Par rapport à la presse, la radio, c'est toujours un média qui a toujours été réactif, quoi. Dès qu'un événement, on peut casser l'antenne et puis en 30 secondes parler de l'événement, quoi. Un journal écrit, il pourra pas, quoi. Il faudra que le temps du lendemain. Ouais, maintenant, les réseaux sociaux aussi peuvent être très réactifs. On le voit quand il y a un décès ou une catastrophe, quoi que ce soit. Il y a des vidéos qui sont tout de suite en ligne, qui sont pas toujours vérifiées, par contre. Voilà, c'est ça, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. La radio est quand même beaucoup plus fiable. Il y a aussi la télé, maintenant, notamment avec toutes les chaînes d'infos qu'on peut trouver, qui peut être très réactive, quoi. Donc, la radio se bat entre, les réseaux sociaux et la télévision pour... L'avantage peut-être de certaines radios comme comme France Bleu, qui ont des antennes dans toutes les régions, dans tous les départements, c'est qu'ils peuvent être aussi au cœur de l'information. En acuité, quand il y a un problème, on a vu l'autre fois à Rouen. À Rouen, on l'a vu, oui, notamment. À Rouen aussi, il y a des inondations dans le sud, mais il y a aussi des radios privées qui font aussi ce travail-là, qui font un bon travail de proximité également, quoi. Et j'ai entendu dernièrement que il y a une chaîne de télévision, une chaîne d'info locale, on va l'appeler en BFM en fait, qui cherche à s'implanter dans les départements. Tout à fait. Alors c'est aussi, je pense, dans un intérêt journalistique, mais c'est aussi pour récupérer toutes les mannes financières des publicités locales. C'est pour ça a deux avantages pour avoir du personnel en région. Aussi, ouais. Aussi pour agir sur un problème quelque part, comme ça ils ont du personnel sur place. Et pour les écrans publicitaires, comme ça, ils font un couplage publicitaire. Ben voilà, c'est le ticket gagnant. Voilà. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu y verrais un inconvénient à la radio? Est-ce que tu y trouverais un défaut? Ah ben, la radio, le principal défaut de la radio, je peux dire aujourd'hui, c'est les publicités. Ouais. À mon avis, hein. Avec les mentions légales, manger 5 fruits et légumes par jour, attention, un crédit doit être remboursé de ça. Les pages publicitaires sont souvent lourdes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de création par rapport aux années 80. On s'ennuie devant les écrans publicitaires, ça devient souvent, et puis les phrases légales en plus, voilà. Qui sont dites à la fin très vite. Tout à fait, ouais. Ça, ouais, c'est. Alors des fois, l'avantage d'aller sur des radios de service public, il n'y a pas, autant de pubs, quoi. Voilà, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et du coup, comment tu jugerais l'évolution, toi, de l'outil radiophonique, la radio que t'as connue dans les débuts des années 80 à aujourd'hui, presque en 2020? Comment tu vois un peu l'évolution du média radio? Là, on le voit par les podcasts. Beaucoup de radios essaient d'avoir des contenus exclusifs pour que les gens aillent sur leur site internet découvrir d'autres sons qu'ils n'ont pas à l'antenne. Donc ça, c'est en train d'exploser cette année. Il y a aussi des sociétés privées qui se lancent dans le podcast. Il y a aussi des groupes de journaux comme Le Parisien, comme je ne sais trop qui encore. qui lance des podcasts créatifs, quoi. Bah, c'est tout un enjeu, là. Hein. Tout un enjeu, et en plus, l'auditoire suit, quoi. Mmh. Quand le podcast est bon, en ce moment, là, sur le mur de Berlin, je crois que c'est Europe 1, ouais, qui a fait une série de podcasts qui est très, très bien. Donc, c'est un plus que pour faire venir les gens vers la radio, quoi. C'est sûr, ouais. Et il y a un truc qui, c'est pas que ça me gêne, mais on vit aussi avec notre époque, la place de l'image maintenant à la radio. Maintenant, l'image est rentrée dans la radio. Ouais, peut-être un peu trop rentrée. À mon avis, ça allait un peu trop rentrer. Alors, je pense que ça va de pair avec les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut retrouver maintenant les vidéos des invités dans les matinales des différentes radios. Tout à fait, ouais. On a l'image et le son, quoi. Ouais, ça, je trouve c'est un peu dommage. C'était un média qui faisait rêver, qui faisait parler l'imaginaire. Ben oui. Quand vous captiez un son de loin, dans les 80-90, ou alors l'animateur qui te parlait tous les matins pour une émission d'accordéon ou pour prendre le journal, on se l'imaginait comment qu'il est. Et maintenant, on le voit tout de suite en direct sur les réseaux, sur la télé. Ça casse un peu de la magie de la radio. Bah oui, parce que derrière une voix, on pouvait s'imaginer plein de choses. Tout à fait. Bon, voilà, on s'imagine plus. Là, maintenant, non, c'est directement, quoi. Bon, on va peut-être parler rapide. Tu parlais du mur de Berlin. Ouais. Et c'est vrai que toi-même, sur ton site et sur ta page Facebook, tu réagis assez souvent, très vite aussi, à l'actualité. Ouais, bah, j'essaie de me coller un peu à l'actualité pour faire le buzz pour mon site. Pour un site internet, pour moi, je gère un peu comme un supermarché. J'ai du commerce. Faut toujours faire parler de soi, toujours faire venir les gens pour que c'est la curiosité de venir voir ou se faire connaître, quoi. Alors ça te demande, j'imagine, beaucoup de temps de préparation, de documentation. Comment tu fais tout ça pour te préparer à tout ça? Là, sur le mur de Berlin, notamment, pour faire ce week-end, j'ai fait un week-end spécial autocollant d'Allemagne. Ouais. Je suis dessus depuis un an. D'accord. J'ai eu cette idée-là l'année dernière, quand j'ai eu le 29e anniversaire, je dis, tiens, pour les 30 ans. Moi qui connais Berlin, qui suis un petit peu amoureux de l'Allemagne, j'adore ce pays. Ouais. Faudrait que je fasse quelque chose pour fêter ça, quoi. Donc j'y travaille depuis un an, donc c'est des recherches, beaucoup de recherches. Tu recherches beaucoup d'autocollants ou tu cherches des articles aussi de presse? Plus des autocollants pour Berlin. Ouais. Donc la langue allemande, tout le monde ne la pratique pas en France, hein, moi le premier. C'est sûr, ouais. Donc plus des autocollants, quoi. Et ça, un an de recherche? Un an de recherche, j'imagine en France. Des courriers qui ont été perdus aussi par la poste. Ouais. Ça arrive des fois, quand vous commandez des autocollants, que le courrier est perdu. Ça m'arrivait avec les radios allemandes, j'avais 6 autocollants rares qui ne me sont pas arrivés, quoi. Ah merde. Voilà. Enfin, c'est ouais, la poste. Ça arrive régulièrement, malheureusement, quoi. Mais bon, bah, ça, après, je sais que c'est des risques maintenant. Ouais. Quand je commande sur Internet ou quoi que ce soit, quoi. Et ça, en fait, tu passes par des gens, par des particuliers. Je fais des recherches sur, en France, sur des sites de vente en ligne, comme eBay, comme Le Bon Coin, comme Delcamp, comme Paru Vendu. Enfin. D'accord. Ah oui, tu cherches. Je passe, ouais, un temps fou parfois à chercher l'autocollant ou la pub que je voudrais, quoi. Et ce sont à chaque fois, ou le plus souvent, des autocollants de l'époque. Ah, de l'époque, tout à fait. Ouais, ouais. Là, pour Berlin, notamment, je vais avoir l'autocollant de la radio Berlin International, donc qui émettait du temps de la RDA. Ouais. La voix de l'Allemagne, la Deutsche Welle, notamment, c'est des autocollants d'époque. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, ça a un coût, j'imagine, tout ça? C'est un coût, ouais, par mois, je me fais mon petit budget pour mes sites internet, quoi. Ah oui, donc. Alors, je pars du principe que je fume pas, donc l'argent que je mets pas dans le tabac, je peux le mettre dans mon site internet. Voilà, c'est une bonne passion. Façon de faire. Voilà, je vais pas au cinéma, je sors pas beaucoup à Orléans, c'est mon budget loisir, on va dire. Ouais, quoi. Ouais. Et j'imagine que t'es un peu comme un chercheur d'or, chercher sur tous les sites la pièce qui te faut, que tu cherches. La pépite ou la pub, ouais, tout à fait. Ouais. Là, j'étais content récemment parce qu'il y a une radio que j'aime bien en Allemagne, c'est une radio rock des années 70-80 précisément. Ouais. C'est une radio que j'adore écouter, même à Orléans, des fois, je me mets dessus le soir. Et j'ai pu trouver pratiquement tous les autocollants que la radio a sortis depuis ses débuts, après la fin du mur de Berlin, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais alors, d'où te vient cette connaissance-là des radios en Allemagne ou à l'étranger comme ça? En Allemagne, j'ai voyagé en Allemagne, donc toujours la curiosité quand je vais dans un pays avec mon poste de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe sur les ondes, quoi. Ouais, mais c'est pas facile quand tu parles pas la langue aussi. Non, mais après, il y a des chaînes musicales, donc ouais. Après les 2 minutes du flash horaire, on fait tel quel, on sait que c'est de l'allemand, donc on en profite pour aller boire un verre ou quoi ouais. que ce soit, quoi, pour brosser les dents, quoi. Maintenant, c'est notre culture. Il y a beaucoup, souvent, des pépites musicales que la France ne passe plus. Ouais. J'ai découvert pas mal de succès 70-80 sur cette radio allemande, notamment. Des chansons françaises? Chansons principalement anglaises ou américaines. D'accord, ouais. Voilà. C'est une chaîne qui vit un peu dans la nostalgie des garnisons anglaises. pendant la guerre froide, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un réseau comme ça que tu as constitué de gens que tu connais un peu à droite à gauche, ou des collectionneurs, ou des gens qui ont des sites, voilà. Les collectionneurs, oui, bien sûr. Je peux saluer Fabrice, mon pote de Reims. C'est grâce à lui que j'ai fait mes sites. Ouais. C'est un peu lui qui m'a dit, ouais, avec tout ce que tu as comme archive, il faudrait que tu fasses un site comme moi à Reims, quoi. Donc Fabrice, c'est un petit peu mon honneur, quoi. C'est lui qui te conseille encore aujourd'hui? Conseil, oui, on échange souvent. J'étais le voir même au mois de septembre à Reims. Voilà, on est comme deux commères, on parle de radio toute la journée, ou quoi que ce soit. Pas que ça, mais principalement, quoi. Mais ça fait plaisir de parler avec d'autres passionnés, quoi. J'ai aussi Eddy de Radioscope, que je vois pas malheureusement régulièrement, mais qu'on essaie d'échanger par les réseaux sociaux en ligne. J'ai plusieurs sites comme ça. J'ai aussi Jean-Marie Fritz qui a fait un superbe site sur la mémoire de Radio Andorre. La grande radio disparue du sud de la France. Mmh. Donc, j'ai plusieurs réseaux comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on te demande conseil, par exemple, pour ne serait-ce que pour un autocollant, ou pour sur une information sur une radio, ou pour vérifier une information? Alors, ou même ça, peut-être des gens de radio qui te demandent conseil pour une rubrique ou pour une émission? Non, par contre, j'ai des anciens animateurs, quand ils voient mes pubs sur mon site, hein, j'aimerais bien avoir cette pub-là, je ne l'ai pas, si tu pourrais me l'envoyer ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Parce que t'as quand même un puits de connaissances, alors. Force. C'est dommage de pas en profiter. Quand même, ouais, ouais. Si on peut dire quand même. Est-ce que il y a des radios qui me suivent aussi, qui me suivent avec intérêt, donc ça fait plaisir. Bah ouais, ouais. Voilà. Des dirigeants qui s'en suivent régulièrement sur mon Facebook, en train de regarder ce que je fais. C'est bien, ça. Voilà. Alors, est-ce que tu penses, tu as fait des sites internet là pour, mais est-ce que tu penses un jour faire, je sais pas, un livre de photos avec tous tes autocollants, par exemple? Alors, un livre, on en a déjà parlé, notamment Yann Harris de Paris, qui m'avait mis un petit mot il y a quelques temps sur mon site internet. Alors là, avec les droits d'image des publicités, chaque publicité appartient à la radio. Ouais. Donc là, ça serait un parcours du combattant pour pouvoir faire un livre de publicité. Ça serait super bien, quoi. Franchement, ça serait bien, ou même un livre publicité et autocollant, notamment les autocollants rares que je peux avoir. Mais ouais, là, les droits d'auteur, les droits de l'image, pas gagné. Ça serait très très dur, je pense. Peut-être que je peux te conseiller de commencer peut-être le travail maintenant pour le faire à ta retraite. Voilà, ouais, et encore. C'est pour ça que tu as quelques années devant toi. Ouais. Après, je pourrais faire un livre qui parle de mes archives, quoi. Ouais. Notamment publier des archives sur l'histoire de la bande FM, ou les grands événements majeurs qui s'est passé sur la radio depuis 30 ans. Ça, je pourrais aller à la limite, quoi. Parce que les jeunes qui écoutent la radio aujourd'hui, on va dire qu'un jeune de 15 ans qui écoute la radio, il ou elle n'a pas forcément en tête l'historique création de la bande FM dans les années 80, avec les radios pirates avant. Enfin. Et encore, maintenant, ils ont même du mal à savoir c'est quoi un poste de radio. Ils écoutent la radio sur leur smartphone. Bah voilà, ordi, quoi. Il y a quasiment plus de postes de radio maintenant dans les maisons. Hein. Tout à fait. C'est très rare. Hein. Est-ce que t'as jamais eu l'envie, toi, de faire de la radio aussi? On me le propose souvent. Francky me l'a encore proposé au mois de septembre. Pourquoi pas à la retraite? Pourquoi pas plus tard? C'est un peu le manque de temps. J'ai des horaires au travail entre le mardi et le samedi qui peuvent varier d'une semaine à l'autre. Ah oui. T'as vu, on a mis quand même 3-4 jeudis pour pouvoir se fixer une date. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et après, j'ai que le dimanche et lundi, quoi. Sachant que des fois, le dimanche, bah, j'aime un peu m'aérer les idées à la Paris. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr que ça demande un petit peu de temps. Quand je suis en vacances, ça serait pas une émission régulière, quoi. Donc, pour revenir à une émission, pour qu'elle ait quand même son public, il faut qu'elle soit régulière, quoi. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus facile, peut-être, de créer une radio sur le web. Une radio web. Ouais, justement. J'y connais rien du tout. Bon, ça serait plus de torsors, là, à m'aider. Eh ben, écoute, on prendra le temps d'en discuter. On va marquer peut-être le temps d'une petite pause musicale. Ouais. Et puis on se retrouve juste après ça, hein. On est D'accord. Parti. On écoute le groupe Détroit et le titre c'est Horizon. Vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, il est 14h28. Combien de temps déjà, combien de temps passé dans ce tunnel sous la cour de 100 pas éternels, éternellement enfouis derrière la porte close et la vitre sans teint, la peau de quartz vert. Il ne fait jamais nuit sous ce jour de néon, mille aiguilles ont surgi sous les paupières closes. la porte s'ouvre pour aller faire tourner ton fantôme sur lui-même sous un ciel barbelé, quartier de sol glacé de haute sécurité. Ce soir, les chiens ninjas hurleront tout sous-sol. Je sais qu'il faut se taire, au loin le tonnerre gronde, éradiqué du monde, évincé de la terre. Par la tuyauterie, un dialogue de misère pour dire qu'on est en vie ou bien qu'on fait comme si et qu'on sait que ça n'a plus ni le moindre sens ni la moindre importance. Qui de ma tête ou de mon cœur va imploser comme une étoile? Quel débris ou quel morceau de moi d'abord te rejoindra, cherche ton horizon entre les abject continue et tous les doigts pointés en déluge de papier envahissent les avenues et tentent de boucher les pores de nos peaux. Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait. Cherche ton horizon, traverse les cloisons. Association, une émission animée par Fabien Dumas sur Radio Arc-en-Ciel le jeudi de 14h à 15h. De retour dans Côté Association, une petite information à vous passer avant de reprendre le fil de l'émission. Samedi 9 février à la salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc, la Radio Arc-en-Ciel donc fête son 34e anniversaire avec un bal anniversaire avec la personne de Maria Lisboa au chant. Vraiment une belle soirée à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc, samedi 9 novembre, pour fêter tous ensemble les 34 ans de la radio. Et à ce titre, d'ailleurs, si vous voulez gagner deux places, eh bien, Côté Association vous fait gagner deux places pour ce bal, ce qui se déroulera donc samedi à la salle Montition. Voilà, l'information est passée. Benoît, est-ce que ça t'intéresse, les bals portugais? Moi j'aime bien la musique, donc ça me dérange pas, quoi. C'est très dansant, c'est très festif. C'est très dansant, hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, si d'accord. Passe l'information autour de toi. Si des gens veulent gagner deux places pour le bal, pour le bal des 34 ans de la radio, ben voilà, c'est, ça sera possible. Ah, puis là, radio d'Orléans d'ailleurs, faut préciser, radio privée d'Orléans. Voilà, ouais. Après, il y a peut-être Campus Radio Campus, radio universitaire qui est là depuis 94. Ouais. RCF, on a la RCF, elle est arrivée en 91, en juin 91. 91, ouais. Et puis après, peut-être France Bleu, la plus ancienne. France Bleu, anciennement Radio France Orléans, ça date de 85. Février 85, donc, ouais. Et puis Vibration avant aussi. Voilà, bah, donc, vous voyez, quand on a une question et qu'on ne sait pas, eh ben, on la pose à Benoît. Alors, Benoît, on en parlait juste avant. Tu collectionnes aujourd'hui les autocollants de radio, en termes, alors, aussi bien sur la radio que pour les publicités de radio. Alors, publicité, c'est les affiches. Ça, c'est les affiches, mais les autocollants, c'est le logo de la radio, en gros. Ah, ça peut être tout ce qui se rapporte à la radio, quoi. Ouais. Un événement, quoi que ce soit, ou juste le logo de la radio, c'est... Alors, d'où ça vient, cette envie de voilà. collectionner les autocollants, d'en avoir? J'en avais, au début, j'en avais 300, 350. Ouais. Certains que j'avais moi-même, d'autres qu'on m'avait donné. Et puis, je me suis dit, ça pourrait être un complément à mon site internet sur la publicité. Les autocollants, c'est une sorte de publicité. Les gens les mettaient dans les 80 derrière leur pare-brise. Ben ouais. Il y avait le célèbre autocollant Repin pour se faire arrêter, notamment à l'Eurostop. Donc je me suis dit, ouais, peut-être que ça pourrait faire un petit supplément à mon site internet. Donc j'ai commencé à m'en procurer, on a commencé à m'en donner. Et j'arrive au bout de deux ans déjà à 2000 autocollants. Quoi. 2000 autocollants aujourd'hui ? 2000 autocollants, oui. J'en ai reçu encore à midi, notamment de Yannick Swigveig, que je remercie, ouais. qui a sorti un excellent dictionnaire d'ailleurs sur les hit parades, sur les classements radio. C'est ouais. très très bien, je me suis procuré il y a 15 jours et je conseille à tout le monde. Je remettrai un post sur mon Facebook de toute façon. Et tu sais, t'es pas tout seul comme collectionneur d'autocollants, il y en a d'autres en France? Oui, il y en a d'autres. Alors je connais quelqu'un qui en a 5000. 5000, ouais. 5000, le fait, j'ai discuté vite fait avec lui sur internet, il y en a 5000. Du côté de la Suisse, j'ai un monsieur qu'on doit se rappeler par téléphone, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, ouais. qui m'excuse. On doit se rappeler ce week-end pour parler aussi d'autocollants. Il y a pas mal d'autocollants, il savait pas quoi en faire. Et ça, est-ce qu'il y a des échanges? Il faudrait aussi un site. Après, il y a des échanges. Moi, je peux en vendre, je peux en donner. J'en ai donné au mois de février à Franche Blusière, qui a été incendié. Ouais. Donc, j'avais des doubles d'autocollants, dont leur premier autocollant, j'ai renvoyé gentiment. Après, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien en archive, quoi que ce soit. Donc, là, je trouvais ça normal. Quoi. Par solidarité aussi. Tout à fait, ouais. Je trouvais ça normal d'aider la radio, quoi. Voilà. Et tu as beaucoup de tests autocollants, ils viennent surtout de la France, ça concerne surtout les radios françaises. France. Ou t'en as aussi des radios étrangères, peut-être allemandes, on en a parlé juste allemande, avant. Allemande, ouais, donc depuis un an, j'ai voulu faire donc le spécial 30e anniversaire du mur. Ouais. Sinon, je fais aussi pour la Belgique et pour la Suisse. La Belgique et la Suisse. Voilà, ouais. J'essaie d'avoir un site francophone. D'accord, ouais. Voilà. Parce qu'en Belgique et en Suisse, il n'y a pas l'équivalent de mon site internet, quoi. Et j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent. Et ça représente combien d'autocollants pour la Belgique et la Suisse par rapport à la France? Alors, à peu près, si tu as une idée. En Belgique, j'en ai avoir 80 à peu près. J'en ai 2-3 là qui vont arriver, dont des rares, parce qu'il y a un site belge, Archive Radio, auquel je m'entends très bien avec les deux personnes qui s'en occupent, d'ailleurs que je salue, ouais. qui m'ont dit, ouais, t'as des autocollants qu'on n'a pas sur notre site, si on peut te faire un fond d'écran pour les procurer. Ça serait bien, quoi. Donc, ça fait plaisir de voir que j'ai quand même quelques pépites aussi d'autocollants belges. Ouais, et aujourd'hui, ça a de la valeur, ces autocollants, les autocollants les plus rares, les plus anciens. D'accord. Bah après, il y en a, c'est vendu aux enchères. Voilà, donc, un mais autocollant, aussi, moi, je peux l'acheter entre 2 euros l'autocollant jusqu'à. Et le plus cher que tu as acheté? Le plus cher, c'était 29 euros. Ah oui, je m'attendais à des 100, 150 euros. J'ai fait une folie, quoi. 29 euros. 29 euros l'autocollant? Je sais plus lequel, ça va me revenir, mais celui-là, il me le faut, quoi, à tout prix, quoi. Ah oui, donc ça reste dans des budgets, raisonnables. 29, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, je fais pas 2-3 fois par mois, parce que mon budget mensuel, du coup, il n'en pâtit après, bah, oui. autocollant, quoi. Alors, après, parce que quand on compare à d'autres choses comme les vinyles, par exemple, les vinyles, ça peut monter à 100, 150, 200, ouais. Mais moi, j'avais quelques rares. Là, je me suis procuré un aussi. C'est l'autocollant Z comme Citrone sur RTL. Ah, Léon Citrone. Qui est très ouais. rare. Donc mais ça, oui. je l'ai reçu cette semaine. Et j'en ai un autre de la Cage Trésor. Très rare aussi, que je me suis procuré. Enfin, donc, je peux avoir des pépites à 1 euro que les gens vendent. Ils ne savent pas le prix de l'autocollant. Donc, ils vendent ça à 1 euro. Et puis, d'autres, c'est aux enchères. On est plusieurs dessus. C'est le plus offrant qui gagne, quoi. Mais alors comment ça se passe? C'est en fouinant sur les sites, sur les réseaux que tu tombes sur les autocollants et hop, tiens, tu dis celui-là, il me le faut. Ou alors c'est à l'inverse et tu dis tiens, bah là, j'aimerais bien avoir un tel autocollant de telle période, de telle radio avec tel animateur. Il faudrait que je le trouve celui-ci. Alors il y en a que j'aimerais bien avoir, mais bon, j'attends en fouillant sur les sites de vente et en ligne. Non. Je peux jamais dire ça, il me le faut. Faut que je me le procure. Je ne serai jamais sûr de l'avoir. Quoi. Ouais, c'est. Donc faut partir de rien, puis il faut attendre de voir qu'est-ce qu'on me propose. Ah bah celui-là je l'ai, bon tant pis. Celui-là je l'ai pas, bah ok, d'accord. Et alors tu passes combien de temps par jour ou par semaine à la recherche de pièces rares ou de pièces quoi? Alors pour Berlin Alpha, ça m'a pris 3 heures un dimanche soir quand même. Ah oui. Ça 3-4 semaines, j'avais rien à faire. Ça m'a pris 3-4 heures, mais j'étais content de moi. Ouais. La recherche était fructueuse. J'ai tout reçu par la poche, donc voilà. Franchement, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Bon. Et après, bah, mettre ça en ligne, puis partager ma passion avec d'autres gens, avoir des clics, des j'aime, des gens qui, ah, ça, je m'en souviens, machin. Discuter avec des gens par rapport à mes publicités ou mes autocollants, ça fait plaisir, quoi. Et ça, dans les gens qui commentent ou qui vont voir ta page, c'est plutôt des gens de radio ou plutôt des gens ordinaires Ah, il y a des gens de radio. Des anciens animateurs, des directeurs, ceux que j'ai dit tout à l'heure, et aussi d'autres passionnés, des gens qui n'ont jamais fait de radio, mais pour qui ce média est magique. Voilà. Et alors, quand tu dis que tu as 2000 autocollants et tu en attends encore quelques-uns là, j'imagine qu'il y en a des très anciens. Ouais. Est-ce qu'avec le temps, ça s'abîme, l'encre s'affaiblit un petit peu, non? L'autocollant, non, je trouve pas, non. Non, non. Il n'y a pas de façon particulière de les stocker, de les conserver. Après, moi, je les mets dans des chemises classées par région, par radio, ça dépend, quoi. Si l'autocollant n'a pas été maltraité avant d'arriver chez moi, ça va. S'il n'a pas été plié, s'il n'est pas resté à l'air libre, après, ça dépend, quoi. Il y a certaines personnes, je vais faire un coucou à Laurent qui m'écoute, qui va jusqu'à décoller les autocollants sur les réverbères de Lyonnais. Pour me les envoyer, quoi. Voilà, donc je lui fais un coucou. Je sais qu'il m'écoute, il m'a envoyé un SMS tout à l'heure, quoi. Donc tu as des autocollants qui sont déjà utilisés. Tout à fait, ouais. Donc celui-là a été utilisé, il me l'a décollé proprement, quoi. Et même pas qu'il a passé quelques années dehors. Ouais, ouais. C'est un autocollant de Radio Canu, une radio associative lyonnaise. Et est-ce que tu aurais l'envie ou est-ce qu'on t'a déjà peut-être proposé d'exposer tous tes autocollants? Alors on m'avait proposé une année de faire je crois que c'était le salon de la radio. Avec mes publicités, les autocollants, non, pas encore. Non. Mais le son de la radio m'avait proposé de faire des grands panneaux avec les différentes publicités, rares notamment, pour me faire connaître. Et tu l'avais fait? Je pouvais pas avoir mon week-end au mois de janvier, puis après, c'est du temps aussi passé, il faut monter à Paris, il faut préparer tout ça. Une voiture ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de voiture, malheureusement, j'ai pas une trop bonne vue, donc je peux pas conduire. Ouais. Donc monter en train avec tout ça, c'est pas évident à gérer, et puis... après tout le temps que je vais passer à faire ça, c'est du temps que je vais pas passer sur mon site internet. Aussi, ouais. Et après c'est du retard qui s'accumule. Parce que sur ton site internet, du coup, tu y passes quasiment tous les jours, toutes les semaines. Je vais passer, 5 soirées par semaine. Ah oui, donc. Voilà, ça peut aller d'une heure à 3 heures, ça dépend quoi. Donc franchement, j'ai fait un spécial Belgique, un spécial Suisse à la rentrée. Là, je fais un spécial Allemagne. Et pendant cela, j'ai des cumuls en retard sur les tableaux français ou sur les publicités, mais c'est pas grave, on va gérer ça après. Alors quand tu dis publicité, c'est des petits encarts publicitaires, c'est des petits flyers en fait, c'est. Ah, les publicités, c'est carrément des pages dans les journaux, dans les magazines d'époque que je trouve ou alors qu'on m'envoie ou ça dépend. Et aussi, ça, t'en as aussi beaucoup? Tu les as chiffrés? Sur les 7000 de mon site, j'en avoir en vrai, j'en avoir 4500 peut-être, à 5000. Ah oui, donc là... Voilà, après, c'est classé dans des... Il te faut un grand appartement ou une grande pièce? Non, ça tient dans une armoire, quoi. Ouais, ouais, c'est... Et après, c'est classé à plat dans des grandes pochettes carton. Et alors, est-ce que tu as un autocollant ou une publicité de Radio Arc-en-Ciel? Oh oui, j'ai du pins à l'autocollant, j'ai tout d'Arc-en-Ciel, ouais. D'accord, ouais. Ouais, parce que j'ai aussi des pins de radio aussi à côté, quoi. Tu fais donc tes multicartes, en fait. Ouais, multicartes, quoi. Voilà, j'ai reçu un pins hier qui me fait plaisir, c'est Radio Vanoise. Ouais. Voilà, moi qui ai un petit peu un côté cœur Savoie par mes amis et mes vacances. Ouais, ouais. Voilà, j'ai trouvé ce pins en cherchant des autocollants, simplement sur un site internet. Ça tombe. Donc, des fois, on passe du coq à l'âne, on va prendre un autocollant et on achète un pins. Ouais, c'est le hasard aussi, puis le plaisir des recherches. Hein. Tout à fait, ouais. Donc, ces autocollants, ces affiches, on peut les voir sur ton site? Ouais, afficheradio.fr. Alors, affiche sans E, radio avec un R majuscule. Donc, afficheradio.fr. Tout à fait, ouais. Et on découvre, on pourra découvrir toute ta collection. de la collection d'autocollants classés par département ou par thème. Et puis publicité classée soit par région ou par radio. Donc pour Europe 1, j'en ai avoir, je ne sais plus de tête, plus de 900, je crois. Ouais. Il y a peut-être des radios qui communiquent davantage, qui communiquent plus ou qui ont plus produit de, tout à fait, ouais, d'autocollants ou de supports publicitaires. Ouais. Ouais. Il y a aussi des radios qui m'ont contacté, je pense à RFM, qui m'ont contacté pour leurs 35 ans. Ouais. Parce qu'ils voulaient des publicités de RFM avant l'époque RFM Radio Couleur notamment. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de radios qui n'ont presque pas d'archives. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi. Donc, qui viennent nous cogner à ma porte. Est-ce qu'on pourrait avoir cette pub ou est-ce que vous pourriez nous prêter ça ou... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de radios. Quoi. Ben ouais, c'est... Même Orléans. Orléans, il y a des radios qui n'ont rien du tout en archives. Les archives que on m'a dit, ça serait bien qu'on les ait. Quoi. Ben oui, ben après ça se monnaie. Hein. Alors les seuls qu'ils aient, c'est Radio France. Ils m'ont fait plaisir une fois de m'inviter par rapport à mon site internet. Sur une matinée. Sur une matinée et un après-midi, qui ont ouvert leurs portes. Ils m'ont fait voir leur service publicité et communication. Et aussi le service archive. Voilà. Ouais. Donc ça m'a permis de voir que je me débrouillais pas trop mal pour archiver aussi les publicités après, quoi. Bon. Voilà. Parce que j'avais aussi des publicités rares qu'ils ne possédaient pas, du temps de l'RTF. D'accord. Voilà. Et ces publicités-là, je les ai trouvées dans des programmes de cirque Pinder à l'époque, dans les 50. Comme quoi, on trouve et un peu. C'est un de mes contacts de Toulouse qui m'a envoyé un email, qui m'a dit tu devrais regarder dans les cirques Pinder ERTF, il y a des publicités que tu n'as pas. Comme voilà. Quoi, c'est vraiment un travail de réseau. Et un travail de réseau, ouais, ouais. On peut pas le faire tout seul, ça, ah ce non, travail-là. Non, bah là, j'aurais jamais trouvé ces publicités-là dans les programmes de cirque. Voilà. Il faut avoir l'idée, le contact qui sait, lui. Tout à fait. Et maintenant, donc, ces 30-40 publicités ERTF, ils sont aux Archives nationales. D'accord. Voilà. C'est toi qui les as déposées. Une petite fierté. Radio France les a scannées pour pouvoir les mettre à Projet Archives nationales. Bon, eh ben, merci une Benoît fierté. Pour ce savoir. Voilà. Et donc tu parlais juste avant de ton site internet où tu y passais 5 soirées par semaine, ouais. Hein, pour l'actualiser, pour le nourrir. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur ton site internet? Alors on va peut-être le citer, c'est la bande FM du Loiret. Alors bande FM du Loiret, donc ça c'est le premier que j'ai créé, il va avoir 10 ans l'année prochaine déjà. Ouais. Donc ça c'est tout l'historique des radios disparues ou actuelles du Loiret. C'est un gros travail ça. Un gros travail, ouais, ça j'ai mis quand même quelques années à ce qu'il soit à peu près à jour. Avec toutes les archives que j'ai, qu'on peut consulter dessus, d'ailleurs, des photos, des encarts de presse et ainsi de suite. Et puis à chaque fois, il y a le souci de bien présenter la radio. Ah, c'est un détail, ouais. C'est ça, ouais. C'est un détail, c'est très important en présentation pour que les gens y fuient, quoi. Ils ont envie de fuir au bout de 10 minutes, ouais, le site. Non, mais c'est. Il n'est pas réable à consulter, quoi que ce soit, je m'en vais, quoi. Quand on clique sur les radios disparues, pour voir un peu, mais c'est impressionnant le travail que ça t'a demandé, quoi. Notamment la radio FR3, Radio Centre. Ouais. Il n'y avait aucune trace d'archives. Donc ça, je suis carrément allé à la République du Centre retrouver des archives. Moi, j'avais juste la page, quand j'étais gamin, que j'avais découpé de l'inauguration. On va y arriver. D'accord, ouais, ouais. Non, c'est un beau site hein, où on peut parler, on voit aussi toutes les radios actuelles qui sont encore aujourd'hui en train de diffuser. Donc ça a permis de me faire connaître au niveau local. Aussi, ouais. Les radios au début m'ont ouvert leurs portes quand même, j'étais bien reçu partout. Ouais. Je leur ai dit, bah là, je venais pour faire ça. Donc tous m'ont ouvert leurs portes, j'ai pu prendre des photos de tous les studios. Arc-en-ciel, je suis venu un jour comme ça à l'arrache, en sortant du sport avec mon sac sur l'épaule, on m'a ouvert les portes, allez-y, prenez des photos, faites comme chez vous. Bah ouais, notamment Arc-en-ciel, ils ont été très très très gentils. Bah, il y a d'autres radios, il fallait quand même avoir un petit peu de piston pour aller. Pour y aller, mais après, il n'y a aucun problème, quoi. Bah, puis c'est un travail qui te demande, toi, un peu d'effort, mais c'est aussi une reconnaissance pour les radios. Tout à fait. Bah, puis il y a des radios que j'ai voulu mettre en valeur pour leur anniversaire, comme Radio France Orléans ou 30e anniversaire de Vibration, que j'ai fait pareil, un gros travail de recherche, retrouver d'anciens animateurs ou dirigeants pour les interviewer, pour. J'ai passé aussi pas mal de temps. Tu sais qu'il y en a un ancien animateur de Vibration à Arc-en-Ciel. Oui, tout à fait. Hein, ouais. Francky, ouais. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, hein. Je salue. C'est grâce à lui que je n'ai pas trop de trac au micro. Non, bah tu te débrouilles très bien. À force de venir, il m'a fait passer le trac. Alors ton site, c'est vraiment une mine d'informations. Alors comment tu fais pour l'alimenter aujourd'hui? C'est quoi? C'est tel animateur qui change ou telle émission qui change J'essaie d'avoir l'œil. Ouais, des fois on me prévient aussi. Bon, après il y a des acuités qui passent à côté, quoi. Malheureusement, ce site est pratiquement maintenant à jour. J'ai plus qu'à mettre les dernières nouveautés ou alors l'année prochaine avec la radio numérique qui va arriver, avec une page spéciale. Ouais. Ce site, maintenant, il roule plus ou moins tout seul, quoi. Tantôt, une ou deux acuités, comme là, je suis venu aujourd'hui, donc je me suis permis de. J'ai vu d'ailleurs, et voilà, je te remercie. Et prochainement, il faudra que je mette une interview de toi. Eh ben, écoute, tu parles un peu à ton tour de ta passion pour la radio. Le rendez-vous est pris, Benoît. Tout à fait, ouais. On essaiera de faire ça chez moi avec une tasse de café. Eh ben, écoute, hein, ça, avec plaisir. Tu découvriras ma collection d'autocollants. Aussi, oui, parce que je sais que t'as toujours été impressionné par mes autocollants. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, gamin, j'aimais bien déjà les autocollants. Ah, d'accord. J'en avais aussi quelques-uns, mais pas forcément pour la radio. C'était par rapport aux vacances. D'accord. Aux endroits où j'allais en vacances. Ah, d'accord. Donc, et j'avais aussi, bon là on parle un peu, des fagnons. Les petits fagnons rectangulaires, oui, avec les petites cordelettes. J'en avais quelques-uns et j'avais accroché dans ma chambre. Voilà, là on sait tout. Ouais. En fagnon, j'en ai plus qu'un, moi. C'est le fagnon de mon service militaire, c'est tout. Mais en fagnon, je pense à Cyril qu'on connaît, hein, qui était sur le. Qui animait l'émission 4-4-2 ici à Arc-en-Ciel et maintenant qui est sur RCF avec Esprit Foot le mardi soir. C'est dans le monde du football aussi qu'il y a beaucoup de fagnons. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais si on se rappelle dans le temps, quand les joueurs, au coup d'envoi, ils échangeaient leurs fagnons entre les deux équipes. Exactement, ouais. Donc voilà, peut-être encore une autre. Quand j'étais gamin, mon père, dans sa 504, avait le fagnon devant, sur le rétroviseur du Cirque de Gavarni. Eh ben voilà. Ça me revient, tu vois. c'est un peu passé de mode, les fagnons, exact, ouais. C'est sûr, mais bon, c'était un bel objet. Ouais. Bon, d'ailleurs, des collectionneurs, je pense, de ces objets-là. Oui, je pense qu'on en trouve encore, ouais. Enfin, je regarde sur eBay, voir ce qu'ils proposent. Juste par curiosité. Bon. En tout cas, on parlait de ton site La Bande FM du Loiret. Si on jette un coup d'œil sur le livre d'or, il est plutôt élogieux. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Hein, il y a quelques belles signatures d'or. Je l'ai un peu parcouru et je trouve que moi je suis content pour toi parce que c'est une belle reconnaissance. Quoi. L'ancien directeur de RFM, Guy Blanvin, qui a dirigé Europe 2. Longues années, il y a Nicolas Lespaul qui était sur Kiss FM, sur BFM, sur Nostalgie, tout ça. J'ai quelques chaud au cœur quand même. Voilà, beaucoup de gens te remercient pour le travail fait ou t'as montré un autocollant ou t'as parlé d'une radio, paf, ça leur rappelle des souvenirs. Tout à fait. Ouais. Je suis Lucien Spinelli qui m'a fait un beau message sur mon livre d'or d'affiche radio sur mon second site. Il y a des gens, ça fait quand même ou des anciens animateurs radio. Anciens animateurs, tout à fait. Quand tu parles de leur radio, voilà, ça fait quand même plaisir. Plus ceux qui viennent me parler en message privé, je viens découvrir votre aussi, site, ouais. Machin, ça fait plaisir quand même. Là, c'est le but recherché quand je publie quelque chose, de faire souvenir aux gens une époque, un moment heureux, quoi. Ouais, t'es la mémoire un peu de la radio. Tant qu'à faire, ouais. Alors moi, je comprends pas pourquoi t'es pas plus invité dans les radios locales orléanaises parler de ça, hein, parce que. C'est vraiment quand je dis que t'es une mine d'informations, c'est vraiment je pèse mes mots, hein. Ah, j'ai quand même été invité plusieurs fois, France Bleu. Quand j'ai lancé mon site internet, France Bleu était très réactif. Ouais. Au bout d'un mois, j'étais invité pour, dans un journal le matin, leur faire découvrir mon site internet. Donc ça m'a fait exploser, mes vues sur internet. Et il y a plein d'anciens animateurs radio qui m'ont écouté, qui sont venus me voir en me disant, dis-donc, moi j'ai fait de la radio des années 80. Ton site m'intéresse. Eh ouais. Donc France Bleu m'a quand même pas mal lancé à l'époque. Je peux les remercier ici. Ouais. Après, j'ai Radio Chalette pour les 30 ans de la radio qui m'avait invité aussi. Qui avait fait des missions sur le. C2L. La radio C2L. C'est ça, tout à fait. Ça a changé de nom maintenant. Ouais. J'ai Vague FM aussi, Artenay. Artenay, ouais. Donc non, j'ai quand même pas mal de radios locales sur Orléans ou le Loiret qui m'ont contacté pour. Bon, bah écoute. La retraite, c'est pour bientôt? Oh là non, je suis jeune encore. Parce que j'ai entendu, hein, tu te mettras peut-être à la radio, tu passeras derrière le micro la retraite. Tout à fait, peut-être. Bon, écoute, le rendez-vous est pris. Hein. Ouais. Donc, on a parlé d'afficheradio.fr, la bande FM du Loiret. Il y en a un troisième en lice? Non, j'ai déjà pas mal de boulot. Quoi. Les radios numériques, ce sera pour plus tard? Alors, les radios numériques du Loiret, ça va aller sur le site La Bande FM du Loiret. Ça sera sur La Bande FM, Je pense peut-être à changer le nom. Si je peux changer, c'est pas facile avec le .fr. Il faudra que je voyais ça à l'époque, à la limite. Mais sinon, il n'y a pas de nouveau site. Là, aujourd'hui, tu sais à peu près combien de radios numériques sont hébergées dans le Loiret? Pour l'instant, ça n'a pas encore été lancé. Ouais. Ça sera lancé au courant 2020. Et il doit y avoir on va dire une trentaine, on va dire à 30. Ouais. Dont des nouveaux projets, des nouvelles radios nationales qui arrivent à Orléans en numérique. Et ça fait un moment maintenant aussi, on parlait de Vibration tout à l'heure, Vibration a aussi sa radio numérique. Ah, tout à fait, Vibration, mais aussi en numérique, oui. Ouais, c'est... Sur Nantes notamment, c'est prochainement vraiment un créneau, sur Poitiers, ouais. Dans Vibration, la petite radio orléanaise, qu'on voit le chemin qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme, hein. C'est énorme, ouais franchement, ouais. Avec le Tour Vibration, après l'été, là. Ils ont été aussi un peu à la base de la création de leur régie publicitaire. Ouais. Donc, ils ont fait du sacré boulot Vibration, quoi. Ils ont fait un grand chemin, quoi. Voilà, ouais. Ça fait plaisir de voir que les radios orléanaises, se démènent, quoi. Bon. Eh ben, écoute, on arrive au terme de l'émission. Déjà. Hein, oui, parce que juste après, on va retrouver Chantal avec son émission Groove Tropical. Et donc, Chaleur. Voilà, je vais te poser peut-être la dernière question que je pose à mes invités, mais on en a déjà un petit peu parlé, on a déjà effleuré un peu le sujet. Mais voilà, est-ce qu'un jour tu penses diversifier tes actions? Alors, dans l'exemple que je donne aux gens qui sont avec moi dans l'émission, je leur dis pourquoi pas peut-être écrire un livre ou réaliser un documentaire ou rédiger un guide pratique ou... Bon, toi, on a déjà parlé d'expo éventuellement, de livres, mais si tu devais peut-être faire autre chose avec tes autocollants et toutes tes connaissances, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ouais, ça serait plus un livre. Un livre, ouais. Un livre, ouais. Bon. Je lis beaucoup, j'ai toujours un livre qui parle sur l'histoire des radios, quoi que ce soit, sur ma table de chevet en plus. Donc je suis très libre. Oui, parce que tu te documentes beaucoup. Hein. Souvent, tu publies les livres que tu reçois ou que tu as achetés. Et ça donne envie à plusieurs personnes qui me suivent de les acheter. Quoi. Ben oui, ouais, c'est. J'ai plusieurs retours. Hein. Ton livre que tu as mis en ligne, effectivement, il est très bien. Quoi. Et je pense qu'un livre, peut-être d'interview, où quelqu'un te pose des questions, et voilà, et ce livre, comme aujourd'hui des livres se font avec les hommes politiques ou des musiciens, voilà, c'est un livre d'interview, en gros. Tout à fait, ouais. C'est vraiment pour que tu puisses dire tout ce que tu sais sur l'univers de la radio et la radio locale, entre autres. Mais il y a d'autres personnes comme moi aussi qui sont très bien calées au point de vue radio, notamment Fabrice, Eddy, notamment. Ouais. On est plusieurs passionnés en France, mais c'est très bien, quoi. Il en faut, quoi. Mais peut-être, toi, t'as la casquette radio locale du Loiret. Radio locale, oui, tout à fait, quoi. Donc c'est aussi intéressant. Un petit peu la radio du centre aussi, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Ouais. Ben écoute, je crois qu'on a bien. Bien parlé pendant une petite heure. Benoît, j'ai plus qu'à te remercier. Moi, merci pour ton accueil et ton invitation. Et puis, je donne à nouveau l'adresse de tes sites, hein, www.labandefmduloiret, tout en minuscule, tout attaché, .fr, labandefmduloiret. Et l'autre site pour découvrir les publicités et les affiches, c'est www.affiche, en minuscule, sans E, radio avec un R majuscule, .fr. Voilà. Mais de toute façon, on va sur ta page Facebook, Benoît Biard, et les sites sont aussi en lien. C'est vrai, les sites sont en lien entre eux. Donc voilà, maintenant, on sait tout. Voilà, merci pour tout. Eh bien, merci Benoît, bonne fin de journée. Je crois que tu vas peut-être essayer un peu d'aller courir. Ouais, le sport un peu, ouais. Eh bien voilà, eh bien bon sport et puis bonne fin de journée. Puis on reste ensemble sur Arc-en-Ciel. Et juste après, à 15h, c'est Chantal et son émission Groove Tropical. Tout de suite, on écoute Fred Palem et le Sacre du Tympan avec Aragon. We'll be right back.

96.2 La FM en couleur. Radio Arc-en-Ciel, il est 15h06, Chantal n'étant pas là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur Radio Arc-en-Ciel et je vous laisse avec Radio Portugal. Que o acompanhamento por parte do Ministério da Educação esteja